We can't breathe. Breathless. We can't breathe. I know this is very difficult for you, so I want to just take our time, take whatever time you need to answering the questions, okay? If you need a break, we'll take a break. You asked for one, okay? Yes. All right. I stated your name is Mrs. Garner. Can you state for the record what your name is, please? My name is Esau Garner. Okay. And Mrs. Garner, what is your relationship to the deceased, Eric Garner? It's my husband. And Mrs. Garner, how long were you married to Eric Garner? As of August 26, 2016, would have been our 29th wedding anniversary. So 28 years at the time of his murder. And about how long were you engaged, or let me interrupt that question and ask you, how long did you know Eric before you got married? Dans Harlem, à l'angle du boulevard Malcolm X et de la 127e rue, quelques avocats, un juge et une veuve ont pris place dans une salle de cinéma. Ils échangent sur un film documentaire en cours de production consacré à la mort d'Eric Garner. Noir, désarmé, Eric Garner est mort le 17 juillet 2014 des suites de son arrestation par la police. « I can't breathe »,« Je ne peux pas respirer » furent ses derniers mots. Le médecin légiste a eu beau conclure à un homicide par strangulation, le policier, blanc, ne sera pas poursuivi. Esau Garner et sa veuve. Je pense que ce projet va faire la lumière sur ce cas-là, mais aussi sur beaucoup d'autres. Peut-être qu'en mettant la lumière sur cette affaire, on verra les choses de manière plus objective et qu'on arrêtera d'être autant du côté des policiers, qu'on regardera ce que les policiers ont fait aux victimes. Ça peut être vu comme une sorte de justice, oui. Ça peut être perçu dans ce sens. Je me sens aux côtés de ceux qui protestent. Après tout ce qui a été fait par tout le monde au cours de ces deux dernières années, ce serait comme un autre moyen pour obtenir justice. Pas seulement pour lui, mon défunt mari, mais aussi pour les autres victimes qui subissent des violences policières tous les jours. Je pense que ça pourrait être un outil très positif pour obtenir justice. Je m'appelle Steve Reiser. Je suis un des partenaires du cabinet d'avocats Reiser et Kenny à Manhattan, dans l'État de New York. Steve, pourquoi avez-vous accepté de faire partie de ce projet de film documentaire consacré à Eric Garner? Je sens que ce problème de brutalité policière et de droit civique est une chose dont nous avons besoin de parler. Ce sont des choses qui ont besoin d'être débattues et de façon honnête. Et je pense que la direction que prend ce film est d'essayer de ne pas prendre parti directement, mais de rapporter tous les faits afin que l'on puisse avoir un débat honnête à propos de ce problème. C'est très important dans notre société. Avez-vous déjà traité des cas similaires? On s'est occupé, en tant qu'avocat de la défense, dans mon cabinet, de défendre des individus dans des affaires criminelles, bien sûr. Mais on s'est aussi occupé de cas de droit civique, quand il y a un usage excessif de la violence et que des blessures sont causées, parfois graves, à un individu. Quand un individu est injustement arrêté, nous mettons en avant le fait que c'est un cas de petite délinquance et parfois il n'y a pas de crime commis. Parfois c'est juste une arrestation injustifiée ou une erreur d'identité. ces choses-là arrivent. Et ça arrive à des gens qui n'ont rien fait de mal. Parfois, les gens font quelque chose de mal, mais il y a une utilisation excessive de la force. Et dans ce cas, nous obtenons justice en dévoilant ces faits au grand jour, en discutant, en faisant payer les officiers qui ont outrepassé la loi et qui ont pu blesser quelqu'un, le privant de sa vie ou de sa liberté. Ce cas, le cas d'Eric Garner, est-il selon vous un cas de droit civique ? Oui, c'en est un. C'est un cas de droit civique parce que, selon moi, les policiers ont fait usage d'une force excessive. Beaucoup de gens ont des opinions différentes à ce sujet et pensent que la force était justifiée dans ces circonstances. Peu importe, quand la police va trop loin, les policiers représentent une autorité légale quand ils utilisent une force excessive, c'est-à-dire plus de force que nécessaire pour effectuer une arrestation ou stopper quelqu'un. Peu importe la raison, c'est une violation de nos droits civiques. Nous avons le droit d'être laissés tranquilles. Nous avons le droit de ne pas être blessés par la police ou n'importe quelle agence du gouvernement pour pouvoir continuer de vivre librement. C'est quelque chose de très important dans notre pays. Je dis d'être noir américain, c'est pas la même chose qu'être noir n'importe où dans le monde. La première chose, c'est que tout le monde oublie qu'on est né, on ne se rend pas compte qu'on est noir. Mm-hmm. Il faut que quelqu'un vous explique ça un jour. Il t'appelle ça nègre quand tu as 5 ans, 4 ans, 7 ans. On ne demande pas pourquoi on m'appelle nègre, mais on demande comme s'il n'y a rien passé. Qu'est-ce que ça va dire, ça nègre? Mais évidemment, le père et la mère comprennent très bien qu'est-ce qui est arrivé. Et il essaie de te faire comprendre que c'est qu'un mot. Mais il y a quelque chose qui a déjà commencé. On se rend compte qu'on est méprisé. On ne sait pas pourquoi. On se rend compte qu'on se trouve en danger. On ne sait pas pourquoi. Et on se rend compte, ce qui est pire, que ta mère, ta père, eux aussi sont condamnés de façon très, très mystérieuse. Donc personne ne peut te faire comprendre, même pas le maire et le père. Et on commence à se demander si on ne mérite pas cette condamnation. Et c'est là où le drame commence, quand on commence à mépriser soi-même. James Baldwin, qui vivait alors dans le sud de la France, s'exprimait en 1972 dans l'émission de télévision Italique. Richard Brint est un chercheur en résidence au Pratt Institute de New York. Il est l'un des grands spécialistes de l'auteur américain. James Baldwin was a son of Harlem. James Baldwin était le fils de Harlem. Il a écrit sur Harlem la plus grande partie de sa vie. Et puis, comme vous le savez, il a vécu, lui et sa famille, entre la 128e rue, si je ne me trompe pas, et la 138e, dans un rayon de 10 blocs le long de cette bande. Harlem, dans les années 1924, quand Baldwin est né, était un endroit étrange pour ceux qui avaient fait la grande migration. Ceux qui, du sud du pays, avaient rejoint le nord. Baldwin était surnommé le fils de Harlem, quelqu'un qui connaissait tous les problèmes, la beauté, la colère de ce qu'il appelait la ville des distractions. Harlem est devenu le centre des Noirs. Baldwin est né et a vécu ici avant de déménager au village quand il avait 17 ans, après avoir quitté l'église. It's incredible. He wrote tons of essays about the complexities of this place as a kind of. Il a écrit des tonnes d'essais sur la complexité de cet endroit, une sorte de microcosme pour la race aux États-Unis. What he loved about these streets, I think, is the people, the language. Je pense que ce qu'il aimait dans ces rues, c'était les gens, le langage, la violence encore discrète, incroyablement sophistiquée. Il n'aimait ni les rats ni les cafards, les privations qu'entraîne la pauvreté. Mais il aimait la vie à Harlem. Elle nourrissait son travail. C'est pour cela qu'Harlem était un centre. C'était une Mecque urbaine pour les Afro-Américains. Harlem était sa maison et Baldwin était son fils. Le langage des gens ici, à Harlem, a éclairé son écriture. The King James Bible, Bible du roi Jacques, les avenues à propos desquelles il a écrit, les avenues avec les Mac et les racketeurs, mais aussi l'Église, ont fait de lui ce qu'il est. Que diriez-vous, professeur Brint, à vos étudiants qui vous demanderaient de définir ou de qualifier James Baldwin en quelques mots, en une poignée de mots? Oh, François, these questions, my God. Oh, mon Dieu, c'est difficile. Morality. Moralité. The human being. There's nothing humanité. More important than the human being. Il n'y a rien de plus important que l'humanité. Given our kind of tortured... Et tout ce que cela peut signifier quand on considère notre histoire torturée. Un artiste, dans le vrai sens du terme, quelqu'un qui prend des risques avec de l'intégrité. Et la dernière chose que je dirais, c'est qu'il serait une sorte d'être immuable, honnête et brutal, le témoin de tout ce qui se passe sur Terre, surtout à propos de la race aux États-Unis. Je veux être clair à propos du fait qu'il ne se sentait pas seulement concerné par l'expérience des Noirs. Il faut être clair sur le fait qu'il était le témoin de ce qui se passait dans ce pays qui englobe 22 millions de personnes ici, avec l'idée que ce que tu me fais, tu te le fais à toi-même. Il n'y avait pas de problème noir pour lui. Il aimait assez ce pays pour pouvoir le mettre au défi. Cette nation innocente t'a relégué dans un ghetto au fond duquel elle comptait en fait te voir périr. Il me faut ici énoncer précisément ce que j'entends par là, car nous arrivons au fond du problème, aux racines de ma querelle avec mon pays. Tu es né là où tu es né, et as été confronté avec l'ennemi avec lequel tu as été confronté, parce que tu étais noir. Et pour cette seule raison. Ainsi avait-on fixé, et à jamais, pensait-on, des bornes à ton ambition. Tu étais né dans une société qui affirmait avec une précision brutale et de toutes les façons possibles que tu étais une quantité humaine absolument négligeable. On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence. On attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité. Je suis Trevor Baldwin, le neveu de James Baldwin. Mon père, Wilmer, était son frère. La personne à laquelle il écrit dans « Lettre à mon neveu » dans « La prochaine fois le feu », ce n'est pas moi, mais mon demi-frère, Petit James, Little James, qui était le premier-né de toute la fratrie. Donc, il est le premier cousin. He's the first nephew, and that's why he was my father named him after Uncle Jimmy. So he's known as Little James. All right, one moment for a second. Hold on, let me just see something. Excusez-moi, un moment, s'il vous plaît. Yeah, I'm sorry. Si ça vous dérange pas d'aller vous déplacer là un peu plus loin, on est en train de faire une interview. I was talking to the other gentleman there. Like I didn't know if you were here first, but if you're gonna be on the phone, je suis désolé, mais votre ami là au téléphone, est-ce que c'est possible? Voilà, qu'il aille se déplacer un peu plus loin. Yeah, there's some shade in the corner, man. I appreciate it. Bon, il y a de l'ombre là-bas. I appreciate it, man. Merci beaucoup, j'apprécie. We're in a public space. On est dans un endroit public ici. Trevor Baldwin, en quoi l'œuvre de votre oncle James est-elle, selon vous, pertinente ou d'actualité dans les États-Unis, dans l'Amérique d'aujourd'hui? Well, I think by you asking that question, you already know the answer. Je pense qu'en posant la question, vous connaissez déjà la réponse. His voice and et tout le monde sait profondément à quel point sa voix et son cœur sont importants aujourd'hui. I don't want to use the word. Je pense que c'est une sorte de. Je ne veux pas utiliser le mot revendication parce que quelque part c'est triste. Mais parce que ces mots sont intemporels, ça fait de lui plus un philosophe que simplement un écrivain. Vous savez, les gens aiment utiliser le mot prophète, et je comprends cela. Mais parfois, même en prophétisant, vous êtes juste capable de capturer et de faire ressortir la nature humaine, la tendance humaine, comme un relais de la société, particulièrement quand vous parlez de pouvoir, d'oppression et des dommages collatéraux qui vont avec. Donc là où Oncle Jimmy était le meilleur, c'était pour faire ressortir cela, presque l'accentuer, et arriver à un point où ça reste pertinent aujourd'hui, indépendamment de la période, indépendamment de la personne qui est aujourd'hui au pouvoir. Quel est selon vous, Trevor, le principal message délivré par votre oncle, Oncle Jimmy, comme vous l'appelez avec tendresse, affectueusement, que l'Amérique aujourd'hui, quelle qu'elle soit, hein, l'Amérique des citoyens, l'Amérique de la classe politique, des grands leaders, devrait garder véritablement en mémoire aujourd'hui. I always like to respect the value of his articulation and his legacy. J'ai toujours aimé respecter la valeur de son héritage. Le diagnostic est là. Soit le pays et les citoyens qui le composent choisissent de reconnaître leur passé et de le rectifier, de le corriger. Soit ils choisissent de rester dans leur aveuglement et leur hypocrisie. Et même si ça doit remonter jusqu'au père fondateur, jusqu'à la Constitution, aux mots de l'égalité, c'est une décision qui doit venir du peuple. When I say the people, it also needs to come in legislation. Et quand je dis le peuple, cela veut dire aussi la législation basique. Il y a une science du capitalisme aujourd'hui qui fonctionne avec un système qui ne peut être réparé. Et ça ne fonctionne pas à leur avantage. C'est pourquoi il y a un tel fossé d'inégalité. Et ce n'est pas vraiment à propos des critères raciaux, mais c'est important de comprendre l'économie des États-Unis. Et c'est ce que Oncle Jimmy était toujours capable de faire, défier le pays qu'il aimait. Il y a quelques citations où il dit « J'aime ce pays plus que jamais. C'est pourquoi j'insiste sur le fait d'être capable de le critiquer. » Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn through. Storm through the night, lead me on to the light. Precious Lord, take my hand and lead me on. James Baldwin a beaucoup écrit et a beaucoup parlé de la condition du noir aux États-Unis dans les années 50, 60, 70 et jusqu'à sa mort en 1987. Pourriez-vous nous décrire avec vos mots, Trevor Baldwin, qu'est-ce que cela signifie être noir dans l'Amérique d'aujourd'hui, de 2016 I think it's a process. Je pense que c'est un ensemble. D'abord, nous devons tous nous accepter tels que nous sommes. Être noir aux États-Unis, disait-il, c'était être conscient, c'était toujours être dans un état de colère. Donc, être noir aux États-Unis, c'est aussi, encore une fois, c'est une question difficile, mais c'est un défi. Ce n'est pas tellement un défi quand vous acceptez le système, en quelque sorte. Mais vous devriez toujours aussi vous battre pour atteindre un monde juste. Mais ça ne devrait pas être une quête. Hold on for a second. Let me just, if you don't mind, I'm just gonna talk to them when I feel the time is right. Un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, messieurs, je sais que vous étiez là avant, mais on essaye de faire cette interview rapidement. On en a pour 15 minutes maximum. Je vous remercie. Pas besoin de vous arrêter de parler. C'est ici chez vous. Donc, Trevor Baldwin, est-ce que vous vous reconnaîtriez vous-même dans les écrits de votre oncle qui décrivait la condition d'un Américain noir dans Harlem dans les années 50, dans les années 60? Bien sûr, je me reconnaîtrais moi-même parce que c'est se reconnaître soi-même en tant qu'humanité. Vous savez, nous rappelons tout le temps que les années 60 ne sont pas si loin. Et cela peut prendre encore du temps. Vous parlez de quelqu'un qui a écrit sur la condition humaine dans un système qui change lentement. Et pour la plupart des sociétés, le problème est que c'est parfois intentionnellement lent. C'est à l'avantage d'un ordre établi. Et cela peut être pour des raisons immobilières, mais cela revient au capitalisme. Mais pour revenir à votre question, je me reconnaîtrais sans aucun doute dans la description que Oncle Jimmy a faite de cette façon si prolifique. La prochaine fois le feu, un des principaux ouvrages, ou en tout cas fondateur de la pensée de James Baldwin, est une lettre qu'il a rédigée en 1963 à son neveu, qui s'appelle James également, pour lui expliquer sa condition de noir américain. Est-ce que votre oncle, Jimmy, aurait pu, vous pensez, vous écrire à vous, Trevor Baldwin, également un de ses neveux, la même lettre aujourd'hui? Again, it speaks to the timelessness of that. Encore une fois, il est question du caractère intemporel de cette lettre. Universal. Bien sûr, c'est très personnel pour moi, mais c'est aussi universel. It's a reminder, parce que c'est un rappel. Heirloom in so many ways. C'est un héritage pour comprendre les défis contre lesquels nous nous battons aujourd'hui. Specifically to black men, et en particulier pour les hommes noirs. Et les pièges auxquels nous devons faire face. Parce qu'il y a des pièges, vous savez. Et parfois, vous devez vous assurer que vous n'allez pas tomber dedans pour votre propre bien. Mais vous savez, il en parle spécifiquement dans la lettre à son neveu, parce que vous devez être capable de ployer. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous se sont brisés. Si vous regardez l'environnement dans lequel nous nous trouvons maintenant, nous ne connaissons pas le passé. Nous sommes dans un parc, un endroit public. Certaines de ces personnes sont droguées. Évidemment, nous avons trouvé un joli endroit. Vous savez, quand je leur parlais en leur expliquant qu'on faisait une interview parce qu'on est à l'ombre, tout le monde a été respectueux parce que c'est comme ça que vous devez parler à quelqu'un. Vous devez respecter qui ils sont, leur personne, parce que leur passé pourrait vous éblouir. Mais tout le monde n'est pas solide, tout le monde ne voit pas les pièges. Ni comment le système brise une personne. Et quand vous regardez dans la rue et que vous voyez tant de gens parler tout seuls, dire qu'ils sont fous et méprisants, parce que vous réalisez à quel point vous en êtes proche. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas facile à réparer, parce que ce qui se passe, c'est le fait de génération et de génération. C'est devenu un cycle. On the subway. I dug the man digging on me, but the dude was hung up in a mass of confusion as to who I was. He thought he was trying to see. I didn't know that they were trying. But you see, me knowing me, black, proud, and determined to be free, could plainly see my enemy. Yes, I know him. I once slaved for him, body and soul, and made him a pile of black gold. Off the sweat of my labor he stole. But his game is old. We've broken the mental hold. Things must change. There's no limit to our range. He can never understand the new black man. Left alone, see us every day, riding the subway. 8th Avenue, 7th Avenue, 6th Avenue, IND, BMG, IRT. He still has stop, 125th Street. En écho à ce fameux ouvrage, La prochaine fois le feu, de James Baldwin, un collectif de jeunes auteurs, de jeunes écrivains américains, a publié il y a quelques semaines un ouvrage qui s'intitule Le feu maintenant, The Fire Now. Pensez-vous que ce titre est bien adapté? Que pensez-vous de ce titre-là ou de cet ouvrage, si vous l'avez lu? I haven't read the work. I know it's a collection of writers, and I'm very proud of the title. I think it's very fitting. Je n'ai pas lu le livre. Je sais que c'est un livre collectif, et je suis très fier du titre. Je pense qu'il est très approprié. J'ai hâte de le lire, mais vous savez, ça revient régulièrement, et c'est là que le travail d'Oncle Jimmy devient presque biblique. Parce qu'il y aura toujours un combat contre l'humanité. Nous parlons d'humain, de l'oppression. Il y aura toujours un feu, parce que vous vous battez contre la nature humaine de l'oppression dans laquelle les gens prospèrent. Environ une année après la mort de Trayvon Martin, année durant laquelle noir après noir moururent et que personne ne fut considéré comme responsable, je pris le livre « La prochaine fois, le feu » et je lus « Tu ne seras détruit que le jour où tu croiras vraiment être ce que les Blancs appellent un « nigger ». Cela, je te le dis parce que je t'aime et s'il te plaît, ne l'oublie jamais. » C'était comme si je m'asseyais sur les marches de mon porche avec un père sage, un oncle aimable et présent qui me disait cela, qui me disait que j'étais digne d'amour, qui me disait que j'étais digne de quelque chose dans le monde, qui me disait que j'étais un être humain. Je vis le visage de Trayvon et tous les mots s'estompèrent sur la page. C'est alors que j'ai su que je voulais faire appel à quelques-uns des grands penseurs et voix extraordinaires de ma génération pour m'aider à élucider tout cela. Je savais qu'un garçon noir qui habite dans les déserts vallonnés de Californie, qui aime aller là-haut avec ses amis pendant le week-end et qui crève de froid dans un survêtement qui l'irrite chaque fois qu'il voit des lumières bleues dans son rétroviseur, aurait besoin d'un tel livre. Un livre qui irait bien avec le feu de la rage, du désespoir et de la violence, comme un amour protecteur qui parcourrait les rues et les campus de l'Amérique. Un livre qui rassemblerait de nouvelles voix, dans un endroit physique durable, et donnerait un espace à des écrivains pour affirmer leurs différences, pour demander des comptes, pour témoigner, pour prévoir. Un livre qu'une fille du Missouri rural pourrait emprunter à sa bibliothèque locale et, pendant sa lecture, rencontrer une voix qui apaise ses craintes. Au fil des pages, elle trouverait une tante sage, une mère plus présente, qui, voyant sa terreur et son désespoir, passerait ses doigts dans sa chevelure et voudrait la réconforter. Nous voulons lui dire ceci. Tu comptes. Je t'aime. S'il te plaît, ne l'oublie pas. Jasmine Ward, préface de The Fire This Time, 2016. Je m'appelle Garnet Cadogan, je suis un essayiste et journaliste, et en ce moment je suis en résidence à l'Université de Virginie. Garnet, vous êtes un des auteurs de l'ouvrage collectif publié tout récemment aux États-Unis, The Fire This Time, le feu maintenant. Pouvez-vous nous expliquer, nous parler un peu de ce livre, de ce projet collectif? Jasmine Ward, the editor and a wonderful writer, decided that the conversations that were going on in America about the nature of racial prejudice and the kind of... C'est Jasmine Ward qui est éditrice et merveilleuse écrivain et qui a décidé que le débat qui se tient aux États-Unis sur les préjudices raciaux et le conflit et la frustration qui émergent de ça méritaient quelque chose de beaucoup plus soutenu, impliqué, prévenant que le genre de conversations qui se tiennent sur les réseaux sociaux. Twitter, par exemple, dans lequel il y a beaucoup de discussions sur l'actualité, ce qu'on devrait faire et quelles sont les possibilités et les frustrations avec lesquelles nous sommes représentés dans la société américaine contemporaine. Des frustrations qui émergent des conflits raciaux. Et donc, elle a réuni un ensemble d'écrivains, de poètes, de journalistes, d'essayistes, pour renouveler le débat au sujet de la race aux États-Unis. About race America. And of course, Baldwin, who spoke so eloquently, et bien sûr, Baldwin, qui parle de façon si éloquente, si vibrante et si perspicace à propos de la race aux États-Unis, et qui était si bon dans The Fire Next Time, est devenu le point d'engagement. The point of engagement. And so she called it The Fire This Time. Et donc, elle a appelé le livre The Fire This Time, en prenant cela en considération. Elle a décidé que nous avions besoin de voix qui regardaient Baldwin ou non, pour que Baldwin ne marque pas la fin du mouvement, mais qu'il soit le point de départ, le point d'engagement. C'était un engagement envers Baldwin, un engagement envers le passé, mais aussi un engagement envers l'Amérique d'avant le monde qui émerge depuis l'époque de Baldwin. The Fire This Time est donc, pour résumer, une tentative de regarder les États-Unis honnêtement, tendrement, mais aussi franchement, et de l'appeler à de meilleurs sentiments tout en pointant du doigt et en décrivant de différentes façons la société que nous devrions avoir, que les gens de différentes ethnies, différentes religions, différentes races coexistent en un groupe pluraliste avec un degré raisonnable d'égalité entre eux. Garnett, selon vous, qu'est-ce qui ne s'est pas passé, si je peux dire, entre ces deux dates, 1963 et la publication de La prochaine fois le feu par James Baldwin, et 2016 et la publication de ce livre collectif auquel vous participez, Le Feu maintenant. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé sur la question noire aux États-Unis? There have been gains, no question about it. For instance, c'est sûr qu'il y a eu des gains, pas de doute à propos de ça. Par exemple, pour nommer un des nombreux indices, il y a déjà un homme noir à la Maison Blanche. There are still crucial ways in which. Mais il y a toujours des points cruciaux par lesquels les gens qui ont la peau noire sentent à maintes reprises qu'ils sont des citoyens de seconde classe. Ce qui leur fait sentir que leur humanité, leur dignité comptent moins. Les ways in which law enforcement treats citizens who are. Je pense par exemple à la façon dont les lois traitent les citoyens qui ont la peau noire par rapport aux autres. Of the many different figures that you keep reading about in different ways in housing and. Si vous voulez des différences, par exemple, il y en a sur le logement, sur l'emploi, les salaires. Il est clair que si vous êtes noir, vous n'êtes pas considéré comme égal. Vous n'êtes pas traité comme égal. Vous n'êtes pas traité avec le genre de dignité et d'humanité que vous devriez recevoir. Garnett, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui dans l'œuvre de James Baldwin? Easy. Baldwin's insistence that love was. Ah, c'est facile. L'insistance de Baldwin sur le fait que l'amour est une chose très importante. Pour lui, la manière de parvenir à une sorte d'égalité ou une sorte de reconnaissance de l'humanité ou de la dignité qui a été niée est à peine reconnue par l'humanité de base. Et c'est par ce point qu'il commence, la reconnaissance de l'humanité, et c'est là qu'il voulait nous emmener. Et donc pour des jeunes écrivains, ce sont des sentiments et une sensibilité si merveilleuse, parce que je n'écris jamais contre quelque chose, mais j'écris pour révéler aux gens l'humanité. L'humanité qu'ils sont réticents à admettre, pour reconnaître que vous ne pouvez pas accepter les autres si vous ne vous acceptez pas vous-même. Pensez-vous, Garnett, que tous ces mots que vous avez cités, la dignité, l'humanité, l'amour, sont vivants dans l'Amérique d'aujourd'hui? I think it is, and a writer has to write with hope. Oui, je le pense, et un écrivain doit écrire avec espoir. Nous devons marcher avec espoir, travailler avec espoir. If we remove hope, then what are we left with? Nous avons écouté les voix qui crient que le pluralisme est une chose horrible, des voix qui crient que l'on ne peut pas parler aux autres, que nous ne pouvons pas vivre les uns aux côtés des autres, que nous ne pouvons pas coexister, que nos différences sont plus signifiantes que l'unité qui nous lie. Et les voix qui crient que nos différences sont trop grandes, que nous devons trouver et éliminer les différences. Eh bien, je ne suis pas prêt à dire que ces voix ont gagné. Richard, nous avons quitté, il y a quelques blocs déjà, le boulevard Malcolm X. Nous sommes maintenant sur la place James Baldwin. Vous voyez, on est sur le boulevard Malcolm X et sur la place James Baldwin. Parce que Trevor Baldwin, à qui vous avez parlé, travaillait avec nous quand j'étais à Columbia avec des collègues du Théâtre National Noir, le National Black Theatre, pour célébrer le 90e anniversaire de Baldwin. Et le conseil communal a nommé cet endroit la place James Baldwin. C'est très symbolique, vous savez. Et c'est une chose que j'ai suggérée. Je pense que c'est important que Trevor ait fait ça pour son honneur. L'école de Baldwin était juste en bas, mais je me demande ce que Baldwin penserait de cette sorte de représentation symbolique de la place James Baldwin ou du boulevard Malcolm X. Et combien ça n'aide pas autant qu'on le voudrait les gens qui sont victimes de gentrification, ceux qui vendent leur drogue avec leurs seringues, et tout le reste à propos de quoi il a écrit. C'est toujours présent. Donc c'est merveilleux qu'il soit un marqueur dans la ville, que nous honorons son héritage. Les gens ont besoin d'être honorés, mais cela doit correspondre quelque part à la réalité, aux expériences des gens. Et je pense que Baldwin le comprend. Il disait qu'il était démodé, racontant les mêmes vieilles histoires, ce genre de choses. Et donc cette sorte de résurgence de Baldwin aujourd'hui, et le fait de donner son nom ici est important en ce sens. Mais c'est aussi quelque chose que Baldwin pourrait suggérer, que c'est superficiel, vous savez, que c'est symbolique. Et donc nous y adhérons, mais nous avons encore des questions. Nous vivons toujours dans la contradiction. Nous insistons, du moins je le fais, en disant que nous aimons ça ici, mais nous nous demandons pourquoi nous en avons besoin. Bonjour, je m'appelle Jonathan McCrory et je suis le directeur artistique du National Black Theatre. Nous sommes le plus vieux théâtre noir dans l'État de New York. Il a été fondé en 1968 par le docteur Barbara Ann Thier. Nous fonctionnons depuis 48 ans. Ce que nous faisons depuis qu'elle a fondé cette institution et acheté la propriété est de créer un espace qui célèbre la beauté, la complexité, l'authenticité du mode de vie noir. Non pas à partir d'une philosophie occidentale, mais plutôt à partir d'une philosophie afrocentrée. Nous marchions avec Richard Brink dans les rues de Harlem et Richard nous a invités à vous rejoindre ici, à découvrir ce National Black Theatre. Parce que nous avons une discussion sur la question de la race, comme on l'appelle aux États-Unis, race issue, et la question, l'héritage de James Baldwin. Est-il normal pour nous de venir et de poser sur la table ces questions aux États-Unis en 2016? Je pense que d'abord, vous devez intégrer le fait que la race est une construction. C'est une construction qui a été utilisée comme un outil pour nous empêcher de trouver une vision simple lorsque nous parlons de célébration culturelle. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que directeur artistique de cette organisation, je cherche vraiment à trouver qui sera le prochain James Baldwin. Je crée un espace pour que les prochains James Baldwin aient une plateforme afin que leur voix soit identifiée, entendue, développée. Je pense qu'il n'y a, je ne voudrais pas dire pas assez d'espace, mais un espace où on ne met pas assez l'accent sur sa pédagogie. Ce que j'aimerais, ce que j'espère, c'est que le National Black Theater crée un espace complexe pour que, pendant qu'on valorise sa pédagogie, se forme le prochain James Baldwin, la prochaine Lorraine Hansberry, le prochain Adrian Kennedy. Ils ont été capables d'avoir d'autres critères et j'espère, si je fais mon travail correctement, avoir une réflexion, comprendre d'où le voyage vient, où il va. C'est ce que nous avons appris, afin que la prochaine génération puisse avoir une conversation plus profonde que celle que nous avons actuellement. Êtes-vous à la recherche du nouveau James Baldwin qui pourrait poser sur la table de nouvelles questions dans l'Amérique d'aujourd'hui, ou un nouveau James Baldwin qui en serait condamné presque à ressasser les mêmes problématiques que Baldwin traitait il y a 50 ans? Je cherche la voix qui parle des problèmes actuels, qui cherche comment résoudre ces problèmes actuels et imagine un nouveau monde. Je cherche une voix qui permettra aux histoires qui ne sont pas chantées d'être chantées dans la réalité. Je cherche la personne qui se permettra d'être le passeur qui complétera les phrases incomplètes. Je cherche la voix qui sera capable d'avoir une conversation différente. Je ne cherche pas une pâle copie. Je ne cherche pas quelqu'un qui me donnera exactement ce que j'ai entendu avant. Je cherche quelqu'un pour créer le pont permettant le travail qui a déjà été fait de s'entendre et de se réarticuler. Richard, au sujet de ce nouveau, ce potentiel futur James Baldwin. For me, the next Baldwin, there's only one James Baldwin. Il n'y a qu'un James Baldwin, un. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous l'avons eu, il est parti. Peut-être que quelqu'un, comme vous l'avez dit, apportera une autre vision. Mais ce ne seront pas les mêmes sortes de questions au regard de ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous ne parlerons pas de quelque chose où autre chose est possible. Qu'un autre monde a peut-être été plus proche que nous le sommes maintenant. Et quand Baldwin dit « je ne fais pas confiance aux Blancs, je fais confiance aux Noirs », il le pense. Il dit aussi « mais je sais ce que signifie être noir aux États-Unis aujourd'hui ». Cette nuance, c'est ce que j'ai envie de proposer de manière à expliquer ce que signifie être authentiquement noir. C'est une question compliquée pour Baldwin, mais il doute aussi de cette construction, de cette fiction. C'est quelque chose, et nous allons arriver à ce dont nous parlions cet après-midi, c'est un refus d'une sorte d'abstraction concrète. And how we've been dispossessed and marginalized, right? And the abstraction of the mythology itself. So then we were. La concrétisation de la vie historique des Noirs et comment c'est d'être dépossédé et marginalisé. Nous n'avons pas besoin d'un autre Baldwin. Ce dont nous avons besoin est de terminer ce dont nous parlions récemment, ce cauchemar racial. On ne devrait pas avoir à créer un théâtre national pour les Noirs. On and on and on. What I mean by that. Ce que je veux dire, c'est de mettre en avant un certain type de discours. Nous sommes cycliques. Nous continuons d'avoir le même type de conversation. Il faut voir ce que ça veut dire pour cet autre monde d'être à l'aube d'un nouveau monde. Ces personnes visionnaires que vous êtes en train de former, imaginez un futur multiracial, global, avec le genre de philosophie pour laquelle Baldwin s'est battu et qui reste dans nos cœurs. C'est intéressant ce que nous entendons à l'angle de la 125e rue, juste en quittant le Black National Theater. here takes some ambient noise, and it's interesting that my first impulse was, oh, nice, a kind of ice cream truck. And then I saw you here, like, you know, focusing on that. Je me suis rappelé que cette chanson que tout le monde s'est approprié aujourd'hui est une mélodie qui se jouait dans des spectacles à une certaine époque aux États-Unis, alors que les Noirs n'étaient même pas sur scène. Of a time in American life when black folks were found, you know, not even on the stage, but when white folks did blackface. Les blancs se grimaient. Il mettait un masque noir. Et cette chanson en particulier était faite pour aller avec cette mise en scène. Pensez à ça. C'est un fait connu depuis longtemps. C'est intéressant d'y penser. Alors que nous parlons de Baldwin à Harlem. Everything now, we must assume, is in our hands. We have no right to assume otherwise. If we, and now I mean the relatively conscious whites and the relatively conscious blacks, who must, like lovers, insist on or create the consciousness of the others, do not falter in our duty now, we may be able, handful that we are, to end the racial nightmare and achieve our country and change the history of the world. If we do not dare everything, the fulfillment of that prophecy recreated from the Bible and sung by a slave is upon us. God gave no other rainbow sign, no more water, the fire next time. Avec Iso Garner, la veuve d'Eric Garner, Stephen M. Reiser, avocat, Richard Blint, spécialiste de James Baldwin, Trevor Baldwin, blogueur et neveu de James Baldwin, Garnett Cadogan, écrivain, Jonathan McCrory, directeur des arts de la scène du National Black Theatre. Merci aux voix de France Culture pour les doublages. Merci à Robert Worth et June Raclet. Lecture, Georges Kless, Robert O'Malley et Doria Zénine. Prise de son, Pierre Quintard. Mixage, Philippe Brodin et Clotilde Thomas. Attachée d'émission, Marie-Vonne à Bolivier. Coordination, Perrine Carvran. La prochaine fois le feu, par François-Xavier Trégan et Rafik Zénine pour la série documentaire.